إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا الرابع في دراسة كتاب الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله تعالى. وقفنا عند قول المصنف حفظه الله تعالى: وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الطويل مرفوعا: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: فهذه أحد عشر حديثا جمعتها من صحيح مسلم فقط، وهي كالتالي: أولا، حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ثانيا، حديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ثالثا، حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. رابعا، حديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. خامسا، حديث عن عرفجة الكلابي رضي الله عنه. سادسا، حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. سابعا، حديث عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنها. ثامنا، حديث عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه. تاسعا، حديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. عاشرا، حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا. حادي عشر، حديث عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما. وكل هذه الأحاديث صحيحة من صحيح مسلم الذي تلقته الأمة بالقبول، وحكموا عليه بأنه أصح كتاب في الحديث بعد صحيح البخاري. وكل هذه الأحاديث أفادت أحكاما تتعلق بحق الولاة على الرعية، واتفقت كلها على حكم واحد، وهو تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين وإن كانوا ظلمة جائرين. Donc, c'est notre quatrième rencontre autour du livre de son éminence, Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, hafidahullah ta'ala. Et nous sommes arrivés à ce hadith, le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui est un long hadith qu'Abdullah ibn al-As attribue directement au prophète alayhi sallatu wassalam. Il dit: celui qui fait allégeance à son gouverneur, qu'il lui obéit tant qu'il le peut, et si un autre vient à concurrencer le premier gouverneur, il faut le combattre. Et ici, dit Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, voici 11 hadiths que j'ai réunis de l'authentique de l'imam muslim, et ces hadiths sont dans l'ordre, comme il les a cités Hafidhahullah Ta'ala. Le premier, c'est le hadith d'Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma. Le deuxième, c'est le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Et le troisième, c'est le hadith d'Aba Huraira radiyallahu anhu. Et le quatrième, c'est le hadith de Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhuma. Et le cinquième, c'est le hadith de Arfajat al-Kulabi radiyallahu anhu. Et le sixième hadith, c'est le hadith d'Abi Saïd al-Khudri radiyallahu anhu. Et le septième hadith, c'est le hadith d'Umm Salama radiyallahu ta'ala anha, la femme du prophète alayhi sallatu wassalam. Et le huitième hadith, c'est le hadith de Auf ibn Malik, l'Ashja'i radiyallahu anha. Et le neuvième hadith, c'est celui de Ubadat ibn Samit. Et le dixième hadith, c'est celui d'Abu Huraira, c'est un autre hadith d'Abu Huraira. Et le onzième hadith, c'est celui d'Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Et Cheikh Hafidhahullah Ta'ala de nous dire tous ces hadiths sont authentiques. Il les a tirés directement de l'authentique du muslim, ce livre que la communauté a accepté. Et que c'est le deuxième livre authentique après l'authentique de l'imam al-Bukhari. Et tous ces hadiths, il y a, dedans se trouve le devoir des gouverneurs, le devoir des peuples vis-à-vis de leurs gouverneurs. Et tous ces hadiths sont unanimes sur le fait d'obéir au gouverneur et le fait de ne pas se révolter contre ce gouverneur, même s'il est injuste, même s'il dépasse ses limites. فشيخ حفظه الله تعالى وأدام عمره في طاعة الله ونفعنا بعلمه ذكر أحاديث توجب طاعة ولاة الأمور وينبغي لنا ولطلاب العلم أن يحفظوها أو يحفظوا بعضها لينتفعوا بها ويحتجوا بها وينصحوا بها فأنتم ترون من حولنا متأثرون بأفكار الخوارج فربما تحاورت مع أحدهم فتسوق له هذه الأدلة ولو ثلاثة من هذه الأدلة. الشيخ السي حفظه الله تعالى nous a cité un certain nombre de hadiths. Ils sont au nombre de 12. Et ces hadiths, il y a dedans le fait d'obéir, l'obligation d'obéir à son gouverneur. Et il est demandé à celui qui cherche la vérité, à celui qui cherche la science et qui veut la vérité, et qui veut être sur la vérité, qu'il les mémorise ou qu'il mémorise certains de ces hadiths pour qu'ils soient bénéfiques et pour qu'il les ait comme preuve et pour qu'il conseille les autres. Et qu'il conseille aux autres le fait d'apprendre ces hadiths. Voyez autour de nous ici, sur le terrain, à Bruxelles et ailleurs, ceux qui nous entourent. Beaucoup de jeunes ont les idées d'Yel Khawarij, ont des idées et des ambiguïtés sur les gouverneurs des pays de l'islam et sur les savants. Et peut-être que tu seras amené à avoir un débat avec quelqu'un parmi eux. Moi, tu peux lui mettre ces hadiths devant lui. Ne serait-ce qu'il faut mémoriser au moins 3 parmi ces hadiths pour qu'utiliser avec toi. Et tu puisses conseiller la personne. Et si tu lui dis qu'il est obligatoire d'obéir à son gouverneur, tu lui mets le hadith en face de lui. فيقول الشيخ حفظه الله تعالى الشيخ أحمد النجمي يستفاد من هذه الأحاديث عدة أحكام. فالشيخ بعد أن سرد الأحاديث الآن سيسرد لنا الأحكام المستفادة من هذه الأحاديث. وهذه أصول في هذا الباب. إي الشيخ أحمد حفظه الله تعالى après nous avoir cité ces hadiths, maintenant il va nous citer les points à retenir de ces hadiths. Et ça, ces hadiths et les points à retenir qu'il y a dans ce hadith et les lois qu'il y a dans ce hadith, ce sont des fondements au niveau de ce chapitre, qui est le chapitre du fait d'obéir à ses gouverneurs. فيقول حفظه الله تعالى الحكم الأول تحريم الخروج على ولاة أمر المسلمين وإن كانوا فسقة عاصين أو ظلم جائرين ووجوب الطاعة لهم فيما لم يكن معصية لله سبحانه وتعالى وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما كان وسيلة إلى واجب فهو واجب وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم والكلام في الولاة والتجريح لهم علنا محرم لأنه وسيلة إلى الخروج عليهم فكان محرما. الله سبحانه وتعالى nous couvre tous de sa sainte miséricorde et qu'il nous guide sur la voie droite. Écoutez ce premier hukm qu'il y a dans ces hadiths. Il dit, ces hadiths citent le fait qu'il est illicite de se révolter contre son gouverneur, contre les gouverneurs des pays de l'islam. Il est illicite de se révolter contre eux, le premier jugement qu'il faut retenir de ces hadiths, et le premier point qu'il est interdit et qu'il est illicite de se révolter contre les gouverneurs des pays de l'islam. Même s'ils sont pervers, même s'ils sont désobéissants, même s'ils sont injustes et qu'ils ont dépassé leurs limites. Et qu'il est obligatoire de leur obéir tant qu'ils ne te ordonnent pas de désobéir à Allah Azza wa Jal. Il est obligatoire de leur obéir. Et rappelez-vous cette histoire de ce jeune à l'époque où il y a eu les perturbations en Algérie, qui a appelé Cheikh Nasser pour le... Quoi? Qu'il fallait qu'il rase sa barbe et qu'ils lui ont ordonné de raser sa barbe, etc. Cheikh Nasser lui a dit, ne le fais pas. Attends qu'ils te le fassent. Attends qu'ils te prennent, hein, ils te mettent sur une chaise, ils rasent comme ça, ils prennent le péché. Donc, il est dans ce premier jugement, il est interdit de se révolter contre eux, le gouverneur des pays de l'islam. Il est obligatoire de leur obéir dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Ils n'ont pas leur obéir dans la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, il ramène une règle ici. La chose avec laquelle on arrive à une obligation devient obligatoire. Le moyen qui va nous amener à une obligation va devenir une obligation lui-même. Et il dit, le moyen qui va nous amener à une obligation, il va nous ramener à qu'il est obligatoire. Et le moyen qui va nous ramener à quelque chose d'illicite et d'interdit, il est illicite, il est interdit. Il est interdit de l'utiliser. Et le fait de dénigrer et de mitiser et de dire n'importe quoi sur le gouverneur du pays de l'islam est un moyen pour amener à la révolte contre eux. Donc, le fait de parler sur eux est interdit parce qu'il amène un mal énorme et quelque chose d'interdit qui est le fait de se révolter contre eux et de prendre les armes contre eux. ويقول الشيخ حفظه الله تعالى الحكم الثاني تحريم المنازعة لهم وهي تكون بأمور منها إظهار احتقارهم والتهوين من شأنهم إظهار مثالبهم في المجتمعات وعلى المنابر اختلاق مثالب وعيوبا لهم من أجل زرع بغضهم في قلوب العامة والناشئة من طلاب العلم ذم العلماء واتهامهم بالمداهنة وبيع الذمم استعمال ما من شأنه التهييج عليهم والإطارة ضدهم وكل هذا من أنواع منازعة الحكام الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت الذي سبق ذكره بلفظ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. Donc le deuxième حكم à retenir de ces hadiths que nous a cité Cheikh, c'est quelque chose de très important. C'est de ne pas leur faire la concurrence, ne pas vouloir leur place, pas leur vouloir leur coursi. Vous voyez ces activistes autour de nous, qu'est-ce qu'ils cherchent? La place du gouverneur. Ils se battent pour le fauteuil. Hein? Et ceci se fait par plusieurs façons. Premièrement, c'est le fait de les dénigrer et de parler mal d'eux et de les rabaisser et de les descendre aux yeux des gens. Deuxièmement, c'est le fait de divulguer les défauts s'ils en ont sur Dohudan Minbar ou là dans des écrits ou là sur les sites d'internet et autres, etc. Troisièmement, c'est le fait de créer des erreurs là où il n'y en a pas, de leur trouver des fautes et de créer en toute pièce des défauts au gouverneur. Pour tout simplement, le but c'est quoi? C'est pour planter la haine de leur peuple contre, du peuple contre son gouverneur. Et de planter la haine chez les jeunes demandeurs de science, hein, contre leur gouverneur. Quatrièmement, c'est aussi le fait de dénigrer les hommes de science et de les accuser comme quoi ils caressent les gouverneurs dans le sens du poil. Et c'est ce que vous entendez autour de vous. Qu'est-ce que vous entendez autour de vous sur la place, que ce soit à Bruxelles, là en France ou ailleurs, qu'est-ce qu'on entend? Hein? Ouais, ce sont les gouverneurs des palais, ce sont ceux-ci, etc. Qu'est-ce qu'ils veulent dire avec ça? Ceux qui disent ainsi, qui agissent ainsi, qui parlent ainsi. Justement, de rabaisser les hommes de science et de dire comme quoi ils sont au solde du gouverneur. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui arrive? Puisque donc, ils parlent mal sur les gouverneurs, ils dénigrent les gouverneurs. Qu'est-ce qui arrive? C'est que les jeunes ne se tournent plus vers leur gouverneur, vers leur homme de science. Et l'awam, qu'est-ce qui leur arrive aussi? Ben, ils parlent mal sur les savants. Hein? Et dans ces cas-là, plus personne ne donne l'importance aux hommes de science. Dans ces cas-là, quand arrive une catastrophe à la communauté, vers qui ils vont se diriger? Vers les leaders de ces groupes. Et vers ceux qui crient du haut des manbars, hein, comme quoi les gouverneurs ont vendu leur pays, les savants ont vendu leur honneur aux gouverneurs, et ainsi de suite. Et aussi, le cinquième point avec lequel on arrive à concurrencer les gouverneurs, c'est d'utiliser tout moyen pour exciter les gens contre eux. Et pour les faire tomber. Et pour attiser la haine ou créer la haine des gens contre leur gouverneur. Et ça fait partie des moyens qui sont utilisés pour essayer de les faire descendre du fauteuil pour le prendre. Et ceci, c'est quelque chose que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit. Le cheikh de nous citer ici le hadith de Ubad ibn Samit qui dit: nous avons fait l'allégeance au prophète alayhi salam. Hein? Et l'allégeance que nous avons fait, c'est écouter et obéir. Que ce soit dans les difficultés ou là dans l'aisance. Que ce soit quand on est réjoui ou là quand ça va mal. Hein? Et qu'on ne concurrence pas les gouverneurs. On ne les concurrence pas. On les concurrence pas. Et qu'on cherche pas à les faire tomber pour leur prendre leur place. Sauf si on voit une mécréance claire sur laquelle on a une preuve min Allah Azza wa Jal. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, qui voit la preuve claire? Ce n'est pas les petits comme nous, ce sont les hommes de science. Hein? Ceci, c'est le devoir et c'est le droit des hommes de science, c'est eux. Hein? Nous, on n'a rien à voir, nous, on a à rester à nos limites et à notre place. Et sur ce genre de choses, on doit demander aux hommes de science. Hein? C'est eux qui décrètent oui ou non. Il y a mécréance ou il n'y a pas mécréance. Hein? Et on ne doit pas, à chaque fois, vous voyez sur les sites, chaque fois, hein, des petits qui n'ont aucune science, aucune base, etc. Ils rentrent comme hier, par exemple, et le titre du salon, les règles de takfir. Qu'est-ce que ça a fait, les règles de takfir? Ou d'où tu les tiens? Chez qui tu les as étudiés? Tu n'as pas quitté la Belgique. Hein? Chez qui? Qui te les a enseignés? Tu ne maîtrises pas la langue arabe. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Des ambiguïtés. Hein? Donc il faut faire très attention à ça. Il y a des choses dans lesquelles on ne s'aventure pas. C'est le domaine des hommes de science. On doit respecter les spécialités. Subhanallah. Dans tous les domaines, on respecte les spécialités. On a un enfant malade, du cœur ou quoi que ce soit, on va directement à un cardiologue. On ne va pas chez le forgeron du coin, ou chez le réparateur des bicyclettes. Hein? On va chez le cardiologue. On a mal au dos, la même chose. On ne va pas chez le maréchal Ferrand. On cherche le dentiste. Hein? Mais la même chose pour notre religion. On doit, pour ce qui concerne notre religion, et pour ce qui concerne les sujets sensibles, se diriger vers qui de droit? Vers les hommes de science. Sinon, c'est n'importe quoi. Un physicien qui a passé sa vie et ses études dans la physique, et s'il n'a pas étudié la législation et les sciences de la religion, qu'est-ce qu'il va t'apprendre de ta religion? On ne dit pas qu'il n'existe pas, hein, des intellectuels, des mathématiciens qui maîtrisent leur religion plus parce qu'ils l'ont compris. On ne le dit pas. Mais on te parle de quelqu'un. On ne le connaît pas d'études, il n'a rien étudié de la religion. Il a un doctorat en physique, ou là il a un doctorat en mathématiques, ou là en marketing. Et tu entends de... Et il se met à enseigner la religion. Et tu entends de sa bouche, la da'wa, c'est une question de marketing. Vous savez ce que c'est que le marketing? Apprendre comment extraire de l'argent de la poche des gens. Comment les faire dépenser. Est-ce que ça c'est la da'wa? La da'wa il Allah Azza wa Jal, selon la voix du plusieurs d'Allah, selon la voix du messager alayhi salatu wasalam, c'est sortir les gens des ténèbres de l'associationnisme vers la clarté et la lumière du monothéisme et les amener vers le chemin de l'agrément chez Allah Azza wa Jal. Et ce n'est pas mettre la main dans la poche des gens et les faire dépenser sans qu'ils le sentent. Regardez, si on ne va pas, si on ne demande pas les choses, qui de droit, où est-ce qu'on arrive dans ces cas-là? Donc, qu'on ne s'étonne pas à entendre n'importe quoi autour de nous. Et vous n'avez pas besoin de dessin. Les exemples se répètent devant vous. À longueur d'année, à longueur, chaque semaine, vous entendez une calamité. Chaque jour. Donc, sur ce point-là, c'est un point sensible et c'est un point auquel on ne s'aventure pas. On demande à qui de droit. Alhamdoulilah, maintenant. Même si je ne maîtrise pas l'arabe. Vous savez, Cheikh Abdelmalik Ramadani, vous avez cherché à la bio. Ah, ça, en langue française, directement, vous pouvez leur parler. Vous avez les frères qui sont diplômés de Médine, comme le frère Ammar, comme le frère Abdelmalik Ayounbou, etc. Et la liste. Maintenant, alhamdoulilah, il y a quelques années en arrière, il n'y avait pas. Mais maintenant, on demande à ceux qui de droit et ceux qui peuvent nous aider. Même si je ne connais pas l'arabe, je vais chez un frère, digne de confiance, etc. Et je lui parle. Et lui, il prend le téléphone tous ensemble et on téléphone. Je n'ai pas formulé ma question. Je peux me faire aider de quelqu'un. Mais qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Qu'on ne demande pas n'importe quoi. À n'importe qui. Barakallahu fikum. Fa yatina al-hukmu al-thalith. Al-hukmu al-thalith. يؤخذ من حديث ابن عمر وابن عباس وابي هريرة أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. Maintenant, le troisième حكم qui est extrait de ces 11 hadiths que nous a cité Cheikh حفظه الله تعالى Cheikh Ahmed, c'est que ce حكم il est extrait directement du hadith de ابن عمر et ابن عباس رضي الله عنهما et du hadith d'Abi Huraira, que celui qui meurt il voit pas qu'il a l'allégeance à un gouverneur. Il meurt une mort d'Yel Jahiliya. Comment mourraient les gens à l'époque d'Yel Jahiliya? Ils n'avaient pas d'imam, ils n'avaient pas de religion, etc. Faire très attention à ça. Et ça, c'est décrété par les hadiths du prophète, alayhi wa sallam. Le hukm al-rabi' yukhadu min hadi al-ahadith anna al-bay'at al-mu'tabara هي بيعة الأول وهي بيعة الإمام الظاهر للناس والمعروف عندهم لقوله عليه الصلاة والسلام فو ببيعة الأول فالأول. Et le quatrième حكم à retenir, le quatrième point à retenir, il est pris de ces hadiths dans lequel il citait l'allégeance. Et l'allégeance qui est prise en considération ici, c'est l'allégeance qui a été faite au premier gouverneur. Ils n'ont pas au deuxième qui est venu lui faire la concurrence. Ils n'ont pas ces allégeances qu'on fait dans les ténèbres et dans les coulisses et dans les bas-fonds des ISBL. Ou là des associations, ou là des centres. Là, celle qui est faite en plein jour au gouverneur. L'allégeance du gouverneur qui est faite en plein jour à ce gouverneur qui est connu en tant qu'imam pour la communauté, etc. Car Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, soyez dignes de l'allégeance. Et restez sur l'allégeance que vous avez donnée au premier. Le hukm al-khamis, yukhadu min hadi al-ahadith anna al-bay'at al-thaniya, wa hiya al-bay'at al-khafiyyat, bay'at batilat. Fa in qala ba'd al-hizbiyin, ana lam ubay' qila lahu inna bay'at arifika, وشيخ قبيلتك بيعة عنك وأنت ملزم بها شرعا أمام الله عز وجل ثم أمام خلقه. Le cinquième point, le cinquième حكم à retenir dans ces hadiths, il est pris aussi concerne la deuxième allégeance. C'est cette allégeance qui se fait en secret, en cachette. Cette allégeance, elle est fausse et non avenante. Même si certains hizbites, ils disent, certains adeptes de hizb, d'yal ikhwan, d'yal sororien, d'yal yassinin au Maroc, ou là autre, là où qu'il soit, il dit, moi, j'ai pas fait d'allégeance, donc il n'y a pas d'allégeance, j'ai rien. J'ai aucune allégeance, j'ai rien fait. Il dit, toi, tu l'as pas faite. mais ton cheikh, ou là, le cheikh de ta tribu, hein, ou là, les dignitaires de ta ville, hein, les dignitaires de ta communauté l'ont fait, et tu es obligé à te soumettre et à accepter cette allégeance, hein, et à obéir à ce gouverneur dans l'obéissance à Allah, Azza wa Jal. Souvent, cette ambiguïté, elle est là. Mais moi, je n'ai pas fait d'allégeance. Tu crois que maintenant, on va frapper à toutes les maisons, on va demander à tous les gens, faites l'allégeance à... Là, l'islam, ce n'est pas comme ça. Les dignitaires d'une communauté font l'allégeance à l'imam, point final. Ça s'arrête là. Et cette allégeance, elle est pour toute la population. Il faut arrêter de tomber dans ce genre d'ambiguïté. Depuis quand? Qui a dit parmi les hommes de science que tout individu dans une société doit faire l'allégeance? Qui parmi les hommes de science digne du nom, hein, qui sont la lumière de cette communauté? Sadisan, al-hukmu sadis, yukhadu min hadi al-ahadith anna man akhada al-bay'ata li nafsihi min wara'i al-imam وبغير إذنه وجب قتله إن ظفر به ووجب قتاله مع الإمام إن لم يظفر به وخرج خروجا فعليا لقوله عليه الصلاة والسلام من أتاكم وأمركم جميع أي أمركم مجموع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. سيزيام حكم qu'il faut retenir de ces hadiths qu'a cité Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala, c'est que celui qui prend une allégeance pour lui-même sans l'ordre d'elle le gouverneur, et il la prend de derrière le rideau ou là dans les ténèbres d'une cave, hein, il faut le combattre si on arrive à la voir. Il faut le combattre. Hein, il faut le combattre avec l'imam. Il n'y a pas le fauda, hein, l'anarchie. Non, avec l'imam, on le combat avec l'imam. Hein? Parce que celui-là, il s'est révolté contre le gouverneur. Le fait de faire cette allégeance aux gens et de créer cette nouvelle allégeance, alors qu'il y a déjà une allégeance qui est faite au gouverneur, c'est une révolte contre le gouverneur, parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand quelqu'un vient alors que vous êtes réunis autour d'un gouverneur, autour d'un homme, et que celui-là, il veut faire scission dans votre jama'a, dans votre groupe, coupez-lui la tête, qu'il soit qui il veut. Ça, c'est l'ordre du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais, tout en respectant les règles, etc., etc., il n'y a pas l'anarchie. C'est pas n'importe qui se lève comme ça et qui va, hein. Tout ceci se fait dans les règles, hein, et dans les conditions instaurées par les hommes de science, etc. Sinon, ça va être le fauda. Quelqu'un qui n'aime pas quelqu'un, il va dire Hada, il va mentir sur lui, il va lui couper la tête. La a'udhu billah, c'est pas comme ça. Wal hukm as-sabi' yukhadu min hadhihi al-ahadith wujub as-sabr 'ala jawr al-wulat ma damu muslimin wa 'adam al-khuruj 'alayhim. لقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض وقوله من رأى من إمامه شيئا فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة فإنه من خرج من السلطان شبرا فمات مات ميتة جاهلية. هذا من حديث قوي يجب حفظ هذا الحديث من الأحاديث التي يجب ينبغي حفظها. إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض وقوله عليه الصلاة والسلام من رأى من إمامه شيئا فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة فإنه من خرج من السلطان شبرا فمات مات ميتة جاهلية. Donc, le septième حكم qu'il faut retenir ici, c'est que il est obligatoire de patienter et d'endurer, même si les gouverneurs sont injustes, même si les gouverneurs ont dépassé leurs limites, tant qu'ils sont musulmans. Et il ne faut pas se révolter contre eux. Pourquoi? Parce que le prophète, alayhi salam, dans le hadith authentique, a dit à ses compagnons, après moi, vous allez voir que, en parlant des gouverneurs, ils vont prendre des choses pour eux. Ils vont vous laisser. Ils ne vont pas vous donner votre droit. Endurez, patientez jusqu'à ce que vous me retrouviez autour du bassin, autour de Al-Hawd. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit, Rasulallah? Il n'a pas dit combattez-les. Endurez, patientez jusqu'à ce que vous me retrouviez autour du bassin. Et c'est la parole du prophète alayhi salatu wasalam qui dit, celui qui voit quelque chose de son gouverneur, celui qui voit un mal, là, quelque chose de blâmable chez son gouverneur, ou là une injustice, qu'il endure et qu'il patiente, et qu'il reste sous son obéissance, et qu'il voit en lui son gouverneur. Car celui qui désobéit et qui sort de la tutelle du gouverneur, ne serait-ce qu'un... Qu'est-ce que tu dis de celui-là? Un empan. Ne serait-ce qu'un empan, barakallahu fik, ne serait-ce qu'un empan, ben il mourra, s'il meurt, une mort d'il-jahiliya. Nous avons vu tout à l'heure ce que c'est que la mort d'il-jahiliya. Là, ça fait partie des hadiths aussi qui sont très forts, qu'il faut mémoriser. Rasoul Salah Asim dit, vous allez voir, après moi, que vos droits vont être lisés, et que les gouverneurs vont prendre les fortunes pour eux. Endurez et patientez jusqu'à ce que vous me retrouviez autour du bassin. Rasoul Salah Asim n'a pas dit, sortez contre eux, prenez les armes contre eux, loin de là. Mais il a dit, il a conseillé d'obéir et d'endurer. Parce que dans le fait de se révolter, de prendre les armes, il y a un grand mal. Fa alladhi yakhruju 'ala as-sultan shibran yamut mayta jahiliya. Wa kayfa billadhi yakhruju ila bilad Europa wa minha yuhayyiju 'ala ulati umur al-muslimin. Nas'alu Allah al-'afiya. هؤلاء السروريين من أبي قتادة والمسعري والفقيه وزيد انت اللائحة طويلة جدا. Qu'est-ce qu'il en est maintenant? Celui qui sort, qui désobéit à son gouverneur, d'un empan, qui sort du gouvernorat, qui voit qu'il n'a plus de gouvernement, il sort un petit peu de la tutelle de son gouverneur, et il meurt sur cette situation. Il meurt d'El Jahiliya. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de ceux qui quittent les pays de l'islam et qui demandent d'asile dans des pays en Europe, en Angleterre, aux États-Unis, un petit peu partout à travers le monde, et de là-bas, ils lèvent l'étendard du fait de combattre le tarot. Tu sais ce que c'est que le tarot pour eux? Les gouverneurs des pays de l'islam et les savants des pays de l'islam. Les Abu Qatada, les Maqdisi, les Mas'ari, les Faqih. Qu'est-ce qu'il en est de cela? Par rapport à ce hadith, ils sont où, ces gens-là? Sallallahu subhanahu wa ta'ala lana wa lakum tabat. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yaqina shubah. Ma dhahara minha wa ma batan. Sallallahu subhanahu wa ta'ala nous préserve des ambiguïtés claires et non apparentes. والحكم الثامن الذي يؤخذ من الأحاديث التي أتى بها الشيخ في هذا الباب أن من رأى من أميره أو إمامه معصية فعليه أن ينصح له نصيحة بشروطها فإن لم يقبل وأصر على معصيته وجب عليه أن يكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة وكذلك إذا كان لا يستطيع النصيحة فالواجب عليه أن يكره ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة من أنكر برئ ومن كره سلم ولكن من رضي وتابع. دوك لو تيام حكم فغتنير دو سي حديث كنوزا سيتي الشيخ حفظه الله تعالى الشيخ النجم حفظه الله تعالى كو سلوي كي فوا دو سون غوفرنور اون ديزوبيسونس ولا يفوا دان سافون اون ديزوبيسونس il faut qu'il aille lui faire le conseil. Mais le conseil avec ses conditions, selon les conditions qui sont dans la sunna, hein, telles que nous les a enseignées le prophète alayhi salatu wassalam. Il faut que ça se passe entre lui et la personne directement. Il ne faut pas que ce soit en plein public, parce que si c'est en plein public, ce n'est plus un conseil. Ce n'est plus un conseil. C'est une divulgation. Hein? C'est une fdeha. Ce n'est plus le conseil. Hein? Et s'il accepte de lui, bah c'est bien. Et s'il n'accepte pas, il s'entête. Lui, son devoir, c'est de blâmer ce qu'il a vu avec son cœur, et puis ça y est, l'affaire est réglée pour lui. Il est allé, il est digne de conseil, il a utilisé le langage qui se doit, et il est allé, il a parlé. Le gouverneur ou le sauvant a accepté de lui, il n'a pas accepté de lui, lui, son devoir s'arrête là. Hein? Son devoir s'arrête là. Dans ces cas-là, lui, il blâme avec son cœur ce que fait cette personne. Point final. Et il doit le considérer comme son gouverneur. Et s'il ne peut pas donner le conseil, qu'est-ce qui lui reste, hein? Qu'il déteste ce qu'il voit. Point final, avec son cœur. Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas imposé autre chose. Il ne peut pas aller faire le conseil. Ou la gare. Il a peur pour sa personne s'il va faire le conseil. Ben, il blâme avec son cœur, point final. Et ça s'arrête là. Voilà, parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Umm Salam, qu'est-ce qu'il a dit, hein? Celui qui blâme, il est innocenté. Celui qui blâme, il est innocent. Et celui qui déteste, il est épargné. Mais celui qui va être blâmé par Allah et châtié, c'est celui qui accepte et qui suit dans le mal. Celui qui voit le mal, qui l'agrée et qui suit ce chemin. فالحكم التاسع على الرعية أن يؤدوا حق الولاة عليهم ويكلوا أمرهم إلى الله إن قصروا في حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم ولا يجوز لهم الخروج عليهم. Le neuvième حكم à retenir ici, dans ces hadiths cités par Cheikh, c'est que le peuple doit s'acquitter des droits de ses gouverneurs. Il doit s'acquitter des droits du gouverneur. Et ils délèguent leur situation à Allah Azza wa Jal si les gouverneurs ont été laxistes au niveau des droits du peuple. Mais le peuple, lui, doit s'acquitter des droits du gouverneur. Et si le gouverneur, il laxiste dans le fait de s'acquitter des droits de son peuple, ça, le peuple doit le déléguer à Allah Azza wa Jal, car Allah subhanahu wa ta'ala, il posera des questions à ses gouverneurs. Et il n'est pas permis de se révolter contre eux. C'est ce que veut de nous Allah. C'est ce que veut de nous la sunna de notre prophète alayhi salatu wassalam. Et la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé pour nous. Le hukm al-ashir, anna l'imam aïda hasala minhu qusur fi haqq al-ra'iyyati. فلا يجوز لهم أن يكافئوا على ذلك بمنع حقه من الطاعة بل عليهم أن يؤدوا حقه ويصبروا على ما حصل من الإمام إن فرض ومعنى الصبر أنهم لا يتكلمون فيه في المحافل والمجتمعات وعلى رؤوس المنابر ولهم أن يكتبوا إليه كتابة وعظ وتذكير فإن لم يحصل شيء من التراجع وجب عليهم أن يصبروا ولا يجوز لهم أن ينزعوا يدا من طاعة. Le neuvième jugement, il est très important aussi. S'il arrive que l'imam est laxiste vis-à-vis de son peuple, il n'est pas permis d'agir de la même sorte que lui. Il faut lui préserver son droit, qui est l'obéissance. Il faut lui obéir. Il faut lui obéir et s'acquitter de ses droits. Et endurer et patienter du laxisme qui nous vient du gouverneur. Si ce laxisme existe, parce que des fois, ce ne sont que des illusions, ce sont que des rumeurs et du mensonge monté de toutes pièces contre les gouverneurs et les hommes de science. Et qu'est-ce que ça veut dire endurer et patienter? Ça veut dire on n'a pas à parler de lui dans les grandes réunions. On n'a pas à parler de lui le jour d'Yal Jumu'a sur le Manbar. On n'a pas à écrire sur lui dans les journaux, dans Internet, les médias et autres. Mais il se peut que des gens lui écrivent, mais que personne ne le sache. Il lui écrit, il utilise le langage adéquat et le langage qui sied au rang d'un gouverneur, au rang d'un savant, pour lui rappeler. S'il revient, alhamdoulilah, s'il ne revient pas, la personne, ou là le savant aura été acquitté de son devoir. Mais il est obligatoire pour nous, même s'il ne revient pas de son laxisme, ou là de soi-disant son injustice, etc., il faut endurer et patienter et lui obéir et ne pas lui désobéir. Lui obéir dans l'obéissance à Allah. فالإمام عليه حق والرعية عليها حق فإن قصر الإمام في حق الرعية بأن لم يحكم بينهم بالعدل والمواساة لهم فهذا لا يسوغ أبدا للرعية أن تقصر في حق الإمام عليهم بل يجب عليهم طاعته في المعروف والسمع له ولا يجوز لهم الخروج عليه وبهذا تمتثل الرعية أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدوا حقهم واسألوا الله حقكم أدوا حقهم واسألوا الله حقكم لأن الواجب على الرعية السمع والطاعة هذا هو المنهج الصرعي هذا هو الذي يوصي به أئمة هذا الدين donc le gouverneur il a des droits sur son peuple. Le peuple aussi a des droits. Mais s'il arrive que le gouverneur a été laxiste vis-à-vis de son peuple, il n'a pas jugé avec justice entre eux, il n'a pas été équitable vis-à-vis d'eux, cela ne permet pas et ne donne pas le droit au peuple de se révolter contre son gouverneur. Et en agissant ainsi, en restant dans l'obéissance à son gouverneur, dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal, la population, c'est ce qu'il est en train de faire, il est soumise à la loi d'Allah Azza wa Jal et aux enseignements du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, acquittez-vous de leurs droits et demandez votre droit à Allah. Acquittez-vous de leurs droits. Droit de qui ? Les gouverneurs. Et demandez votre droit à Allah Azza wa Jal. Car l'obligation pour le peuple, c'est d'écouter et d'obéir. Ça, c'est la voie légiférée. C'est la voie que nous a ordonné Allah Azza wa Jal. C'est la voie de notre prophète, alayhi salam. Et c'est la voie sur laquelle et que conseillent les imams de cette communauté. Depuis l'aube de l'islam jusqu'à maintenant. Et ça sera jusqu'à la fin des temps. Lakin, haoulaï alladhina yahmiluna hamil فكر الخوارج يريدون أخذ حقهم بالسيف وهذا مفتاح باب الشر المفضي إلى الفتن ولا حول ولا قوة إلا بالله mais ceux qui ont les idées ديال الخوارج et les idées ديال التكفير ces sororites ces qutbites etc. Et ceux qui sont sur la même voie qu'eux, et sur la même idéologie qu'eux, et sur les mêmes principes qu'eux, qu'est-ce qu'ils veulent ? Roumains, ils veulent tout de suite leurs droits, ici. Ils veulent le prendre en tuant les gens, en utilisant les armes. Et ça, c'est une clé pour ouvrir la porte du grand mal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. يقول الشيخ حفظه الله تعالى وأخيرا فإني أذكر إخواني بما عليه دولتنا أيدها الله وبما نحن فيه من أمن ورخاء ورغد ورغد عيش et à la fin de son introduction le cheikh il dit et à la fin je rappelle à mes frères la situation la bonne situation sur laquelle nous on est dans notre pays en parlant de l'Arabie Saoudite. La situation avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il nous a comblés, l'aisance dans la vie et la sécurité, etc. Et ça, c'est vrai. qu'on le veuille ou non, qu'on déplaise au Ikhwan, qu'on déplaise au Tablir, qu'on déplaise au Qutbit, c'est un pays béni min Allah Azzawajal qui est comblé par les bienfaits d'Allah Azzawajal. Et jusqu'à prouver le contraire, jusqu'à preuve du contraire, c'est le pays qui défend le monothéisme, qui défend la sunna, au mètre carré, c'est là où il y a le plus de savants sur terre. Hein? Et ça, évidemment, ça n'est pas pour. Ce n'est pas. Ça ne plaît pas à ces déviés, à ceux qui ne sont pas sur la voie droite. Parce que le bien, ils voient le bien qu'en eux. Ils ne voient pas le bien chez les autres. Hein? Il faut que le bien passe par eux, par ces éclatés, par ces égarés, qui sont sur des voies égarées. فيقول الشيخ يا إخواني إن دولتنا دولة المسلمة تحكم شرع الله في محاكمها وتقيم دين الله في واقعها وتعلم التوحيد في مدارسها ومعاهدها وجامعاتها. يقول الشيخ فخيرنا الله notre pays, en parlant de l'Arabie Saoudite, est un pays muslim. Il l'est. Et toute la louange est à Allah Azza wa Jal. Il juge avec la loi d'Allah Azza wa Jal dans ses tribunaux. Et il accomplit la religion d'Allah Azza wa Jal dans sa réalité. Et il enseigne le monothéisme dans ses écoles, dans ses instituts et dans ses universités. Hein? Et les hommes de science, tels l'imminence Cheikh Rabi', Cheikh Najmi, etc., ils disent, ils font toutes ces éloges et ils disent qu'on n'est pas parfait. Ils le reconnaissent parce que il n'y a aucune œuvre qui peut être parfaite que celle d'Allah Azza wa Jal. Hein? Mais regarde autour de toi. Où s'accomplit la législation d'Allah Azza wa Jal. Hein? Regarde. Le modèle. Pourquoi tout le monde est unanime à le tirer d'une seule flèche? Les égarés de la communauté et les ennemis d'Allah, tous sont réunis. Ils ont le même langage, ils utilisent les mêmes termes. Pourquoi? Pose-toi la question, pourquoi? Pourquoi ils utilisent le même style, les mêmes phrases, les mêmes expressions contre ce pays? يقول حفظه الله تعالى قامت على التوحيد من أول المملكة العربية قامت على التوحيد من أول يومها وقضت على مظاهر الشرك في جميع سلطانها تقيم الصلاة وتخصص المكافآت للأئمة والمؤدنين وتعمل كل خير ومعروف في الداخل والخارج وللأقليات المسلمة في كل مكان. Donc cet état s'est accompli dès le départ sur le monothéisme depuis le premier jour. Et il a anéanti toutes les formes de le monothéisme. Tu vas à un mausolée en Arabie Saoudite? Tu as une photo dans le mausolée? D'une énorme construction d'un dôme autour d'une tombe, etc. Les gens vont faire des offrandes aux tombes là-bas. Va voir. Tu ne peux pas le trouver. Une forme d'associationnisme apparente n'existe pas. Hein? La prière s'accomplit et l'État s'occupe à honorer le salaire des imams. Le salaire de ceux qui font l'adhan, de ceux qui s'occupent du mosquée, une délégation complète, un service complet, qui redonne le bien et qui blâme le mal, qui s'appelle le motawwi'un, et ainsi de suite. Hein? Il fait beaucoup d'œuvres de bien, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. Il fait beaucoup pour les minorités musulmanes, à travers la planète. Regarde, juste un geste, pour que tu comprennes. Quand tu as ton rapport avec ton consulat qui est de ton pays, c'est un rapport comment? Administratif. Tu y vas tout simplement quand tu as besoin pour renouveler ton passeport, t'inscrire sur la liste des Marocains ou des Algériens ou des Tunisiens pour t'inscrire pour avoir une carte d'immatriculation, etc. Quand tu vends un livre, quand les associations veulent des Coran et des livres, à qui il s'adresse? Hein? Et dans les consulats du monde, il y a une annexe qui s'appelle l'annexe religieuse. Mais celle-là, elle n'existe que pour l'Arabie Saoudite. Dans les différentes autres, souvent, il y a quelqu'un qui s'occupe des eux, mais ils appellent ça le service social. la différence. Hein? C'est tout. وكذلك ما تقوم به الدولة من إصلاحات في المشاعر المقدسة والسهر عليها والسهر على مصلحة الحجيج والمحافظة عليهم وإرشادهم والمحافظة على سلامتهم إلى غير ذلك من الإصلاحات التي لا يحصيها ديوان. Aussi s'accomplit cet état au niveau du fer, de regarder tout ce qui ne va pas dans les lieux sacrés, il renouvelle. Ils s'essayent de faire tout pour le confort de ceux qui viennent faire l'Umrah et ceux qui viennent faire le Hajj. Chaque année, il y a des améliorations. Et le service d'orientation pour le Hajjaj, que ce soit les orientations religieuses ou là, autre. Hein? Et le fait de s'occuper et de veiller à leur sécurité. Il y a des choses qui se font en Arabie Saoudite. Là, tu ne peux pas. Un manuscrit ne va pas te les contenir. Hein? 3 millions de personnes se trouvent concentrées dans un même lieu à une période bien précise pendant le pèlerinage. Et il manque ni d'eau, ni de pain, ni de fruits, ni de lait, ni de médicaments. Rien. Hein? 3 millions de personnes, Ibadallah. Jusqu'à 4 millions de personnes, dit le frère. Regarde. Réfléchis un petit peu. Et qu'est-ce qu'on veut de ce pays? فما الذي تنقمون منها؟ ما الذي تنقمون على هذه الدولة؟ يقول الشيخ. وقد فعلت ما فعلت. ألم تسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من السلطان قيد جبر فمات مات ميتة جاهلية وقوله صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة جاء يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية أين أنتم أيها الناقمون من هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة الكثيرة أتتركون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوجب عليكم طاعته الذي أوجب الله عليكم طاعته ورتب عليها محبته وجنته وتطيعون من ليس بمعصوم من الخطأ والزلل أين أنتم يا عباد الله من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ومن قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Donc, le Cheikh de poser cette question. Qu'est-ce que vous voulez à ce pays qui fait tant de choses? Hein? Qu'est-ce que vous voulez à ce pays? Qu'est-ce que vous voulez de ce pays? Hein? Enfin, vous n'avez pas, il leur pose la question, il les interpelle. Vous n'avez pas entendu la parole de votre prophète, alayhi salam, qui dit qu'il ne faut pas se révolter contre son gouverneur, que celui qui se révolte contre son gouverneur ne serait-ce que d'un empon. S'il mourra sûr. Hein, cette position, il mourra une mort d'El Jahiliya. Hein? Et sa parole qui dit, celui qui désobéit à son gouverneur, le jour de la résurrection, il arrivera devant Allah. Azzawajal, il n'a aucune preuve. Aucune preuve pour l'acte qu'il a fait, cette désobéissance à son gouverneur. Et celui qui meurt, et qu'il ne voit qu'il n'a aucune allégeance à aucun gouverneur, ben il meurt une mort d'El Jahiliya. Il leur dit, Hafidhahullah Ta'ala, où en êtes-vous? Vous qui détestez ce pays, qui reprochez des choses à ce pays, hein? Quelle est votre position par rapport à ces nobles hadiths authentiques du prophète, alayhi salatu wassalam? Vous délaissez, est-ce que vous délaissez les ordres de votre prophète, alayhi salatu wassalam, alors qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il a fait obligatoire pour vous d'obéir au prophète, alayhi salatu wassalam. Et il a fait que le fait d'obéir au prophète, alayhi salatu wassalam, c'est le fait, ça prouve que tu aimes Allah. Hein? Et vous obéissez à des gens qui ne sont pas épargnés de l'erreur, et qui tombent dans les erreurs, et qui ont des failles et des lacunes. Et il dit, Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, où vous êtes serviteur d'Allah Azza wa Jal, hein? De cette citation du Coran qui dit, où vous qui avez cru Répondez à l'appel d'Allah et de son messager quand il vous appelle pour ce qui va vous faire votre vie. Ils sont vivants, mais la réelle vie et la meilleure des vies, il est dans le fait de répondre et d'exaucer l'appel d'Allah Azza wa Jal et de son messager. De soumettre à Allah Azza wa Jal, d'être soumis à Muhammad alayhi salatu wassalam. Et aussi, quelle est votre position? À quelle place vous vous mettez devant cet avertissement d'Allah Azza wa Jal? Et qu'il fasse attention à ceux qui divergent de l'un de ses ordres. L'un des ordres du prophète alayhi salatu wassalam. Qu'il ne leur arrive pas le fitna, la perturbation ou le grand châtiment. Et quand on a posé la question à l'imam Ahmed, c'est quoi le fitna ici dans ce verset? Il a dit qu'il tombe dans l'associationnisme, qu'il ne tombe pas dans l'associationnisme. Par qu'il rejette petit à petit des ordres du prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à tomber dedans. أتطيعون يقول الشيخ حفظه الله تعالى أتطيعون رؤساءكم في منازعة الأمر لأهله وتعصون رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حذركم من منازعة ولاة الأمر من منازعة ولاة الأمر أمرهم كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان فلا رأيتم عند المسؤولين في دولتنا أي في دولة في العربية السعودية هل رأيتم في دولتنا إسلاما وتحكيما للشريعة وحكما بها أو رأيتم كفرا بواحا وتركا للصلاة ويقول حفظه الله احمدوا الله واشكروه على ما أنتم فيه وأنتم في نعمة عظيمة يغبطكم عليها ويحسدكم بها عليها ويحسدكم بها القاصي والداني وهذا صحيح. Il leur dit, les interpellés dit, vous obéissez à vos commandants, à ceux qui vous commandent, dans le fait, quand ils vous ordonnent de concurrencer et de se révolter contre vos gouverneurs, et vous désobéissez à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui vous a averti contre le fait de vouloir le poste, faire un putsch contre votre gouverneur et de vouloir prendre sa place. Comme il a été cité dans le hadith de Ubadat ibn Samit, radiyallahu anhu, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur a dit quoi? Et que vous ne concurrencez pas le gouverneur dans son gouvernorat. Sauf si vous voyez une mécréance claire, sur laquelle vous avez une preuve claire et irréfutable min Allah Azza wa Jal. Nous avons vu, on le répète, on ne cessera de le répéter pour que ça s'ancre pour nous, que cette mécréance claire ne peut la décréter que les hommes de science qui ont la clairvoyance du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète alayhi sallam et qui suivent leurs pieux aïeuls et la compréhension de leurs pieux aïeuls. Il n'y a qu'eux. Ce n'est pas les leaders de groupe. Ce n'est pas les petits comme nous qui doivent s'occuper de ça. Il faut remettre les pendules à l'heure. Et il faut réserver ce qui est dû à tout un chacun. Et il faut se tourner vers qui de droit pour ces sujets sensibles, duquel il va de la sécurité de toute une communauté et du sang de toute une communauté et de l'honneur de toute une communauté et de la sécurité de toute une communauté. Et il dit, Hafidhahullah Ta'ala, est-ce que vous avez vu chez les responsables de notre pays, en islam, et du jugement avec les lois d'Allah Azza wa Jal, vous avez vu une mécréance claire? Et vous avez vu le délaissement de la prière? Il est évident, celui qui est doué de raison, celui qui est digne, celui qui est juste, le proche et le lointain voient très bien. Regarde, quand le roi est mort, rahimahullah ta'ala, comment il a été enterré? À la sunna. Et quand son héritier a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé que si il y a quoi qu'on lui fasse conseil. Donc ceux qui ont la haine contre l'Arabie Saoudite, contre les gouverneurs de l'Arabie Saoudite, les savants de l'Arabie Saoudite, c'est des gens à qui on a fait un lavage de cerveau. On leur a fait un lavage de cerveau. Et c'est des gens en réalité qui ne se commandent même plus, on les commande. Ils sont comme on a dit hier, comme une télé. Et on la commande de loin avec une télécommande. Va à droite, va à gauche. Augmente le son, diminue le son. Tac, tac. C'est tout. Télécommandé, de loin. Hein? Ils n'ont plus rien à eux. Mais on les dirige vers ce qu'on veut. Ce que veut la direction du groupe, ils vont. À droite, à gauche. Ils sont comme, tu vois, avec la plume. Ou là, le coq, la queue du coq, avec le vent. À droite, à gauche, selon comment le vent il souffle. Il dit à la fin, voilà, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, faites des louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, il l'adresse aux Saoudiens même, et à la jeunesse saoudienne. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala, faites des louanges à Allah subhanahu wa ta'ala pour le bien dans lequel vous baignez. Car ceci est un énorme bien, min Allah azza wa jal. Et les autres vous jalousent pour ce bien. C'est vrai. Beaucoup de jeunes, il m'est arrivé une histoire dans l'aéroport de Jeddah, il y a pas cette année, l'année d'avant, avec des jeunes qui attendaient pour qu'ils me règlent mon truc administratif. Ada, le jeune, il commence à me dire, vous êtes bien en Europe, tatati, tatata. Et ça, après, je lui commence à citer. Je lui montre les inconvénients du fait d'être en Europe. Il a eu, après, il a eu honte, miskin. Je l'ai laissé parler tout ce qu'il voulait sur là. Il a dit plein de choses. Et il a parlé au mal sur les gouverneurs. C'est après que je l'ai parlé avec et je lui ai montré. Et je lui ai dit des choses. Je lui ai dit, est-ce que tu l'accepterais pour ta soeur, tu l'accepterais pour ton frère. Après, Mskin, il a... Mais beaucoup, Mskin, ils ne savent pas le bienfait dans lequel ils sont. Ils ne savent pas le bienfait dans lequel ils baignent. Ni'ma min Allah Azza wa Jal, mais certains ne le savent. Il y a beaucoup qui le savent, ça, il n'y a aucun doute. Mais il y a certains, Wallah al-Azim, Sakin, Ansallah subhanahu wa ta'ala, en Yeruddaoum ila Rushdihi. Fa, hadi il memlaka al-Arabiya al-Saoudiya, mustahdafa min al-Dakhil wa min al-Kharij. Lima? Lima da da kullu? Liannaha tahmilu liwa al-Sunna wa al-Tawhid fi hada al-Zaman, ma'a ma fiha min naqsin, fal-kamalu lillahi subhanahu wa ta'ala. Wa hiya mahbitu al-Wahyi. فأعداء الإسلام يكيدون لها بشتى الطرق لا تحترم حقوق الإنسان لا تحترم حقوق المرأة أي حقوق المرأة ها ما هي حقوق المرأة اللي تحترمها ها ورويبدة الفرق الموجودة على الساحة داخل المملكة وخارجها يرمونها بسهم واحد وكثير من أبناء البلدان الإسلامية كذلك فهي مستهدفة من الجميع. هذا سمع انت حولك هنا في بروكسل كيفاش العوام مساكن تهضروا على العربيه السعوديه وعلى العلماء ديال السعوديه. هذا سمع علاش؟ لانهم القنوم دايرين بحال باب غيو يتي يستكشي اللي سمع سمعوهم فوق المنبر سمعوهم صافي. قال فلان شكون هو هذا فلان؟ ملي تجي تقلب شكون هو فلان لا حول ولا قوه الا بالله. ها دونك العربية السعودية tout le monde veut du mal pour ce pays, tout le monde dénigre ce pays. Et moi je suis pas saoudien, hein. Je suis un pur produit marocain et j'habite à Marrakech. Ne dis pas que parce que je suis saoudien, il y a pas de nationalisme qui parle en moi, il y a pas de nationalisme, ou de sectarisme, etc. Loin de là, mais c'est une réalité. La réalité, elle est comme ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Tu ne peux pas cacher le soleil avec un tamis, ni avec un grillage. C'est impossible. Ou là, avec la toile d'araignée. Voilà, tu ne peux rien faire. La réalité, c'est la réalité. Hein? Donc, pourquoi tant de haine contre ce pays? Pourquoi tant de dénigrement de ce pays? Parce qu'il porte l'étendard du monothéisme. Parce qu'il porte l'étendard de la sunna à notre époque. Malgré les lacunes ou le laxisme qu'il peut y avoir, mais il porte cet étendard. Et parce que c'est là où la révélation est descendue. Au mois de Ramadan, pendant le Hajj, le cœur de tout un musulman à travers la planète est orienté vers où? Vers là-bas. C'est normal. y a un qui n'a pas encore accompli le hajj, il y a un qui n'a pas encore les moyens, il n'a jamais fait d'umra, etc. Qui? Regarde, dans les milieux éduqués, les gens, hein, dans l'asr, ils sont déjà fait salat l'isha. Qu'est-ce qu'ils font les darons? Hein? Ta maman à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Tu le vois, il est en train de suivre, hein? Salat tarawih, ma ceux d'ici, en train de regarder. Hein? Tout le monde, son cœur, il est attiré vers là-bas. C'est tout à fait normal. Et donc, et les ennemis de l'islam manigancent contre ce pays par beaucoup de moyens. Tantôt, on lui représente l'avilissement de la femme. C'est quoi cet avilissement? Dis-nous. Les droits de la femme ne sont pas respectés. Les droits de l'homme ne sont... Quels droits de l'homme? Lesquels? Les droits de l'homme instaurés par l'homme pour asservir l'homme, ou là les droits de l'homme qui sont instaurés par Allah? Les droits de la femme instaurés par Allah pour protéger la femme et pour l'honorer, ou là les droits de l'homme pour faire de la femme une marchandise exposée à tout le monde? Lesquels tu veux? Lesquels? Hein? Et les insensés des groupes qui se trouvent autour de nous et sur le terrain, que ce soit ici ou ailleurs, que ce soit à l'intérieur de l'Arabie ou en dehors de l'Arabie dans d'autres pays de l'islam, et tous ils tirent la même flèche contre ce pays et contre les savants de ce pays. Tous. Maintenant, Dawati Yassine wa Shi'ati Yassine. Les pays, ceux qui nous entourent, et tous les éclatés des groupes, etc. Qu'est-ce qu'ils veulent? De l'Arabie Saoudite et des autres pays de l'islam. Ils veulent les renverser. Ils veulent prendre la place. Leur combat, ce n'est pas pour triompher l'islam. Ils prennent la place. C'est pour prendre la place. Prends par exemple. والشيعه ديال ياسين اشوف ماذا يريدون بالقومه عندما يقول ياسين الجيش المغربي يكون معنا يوم القومه اي يوم الثوره يريدها ثوره ايرانيه ماذا يريد بهذا الفتنه والخروج والهرج والقتل في بلاد المغرب دونك tous ces groupes qui existent tirent l'Arabie Saoudite et en même temps ils tirent sur les gouverneurs des pays, des autres pays de l'islam. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent en réalité? Ils ne voient le mal que par, le bien que par, à travers eux. S'il n'y a pas un bien qui arrive d'eux, il n'y a pas de bien. Donc ils veulent déstabiliser les pays. Ils veulent prendre le pouvoir et être sur le fauteuil. Hein? Et être sur le fauteuil tout simplement. Tu prends par exemple ce groupe avec lequel sont éprouvés les Marocains. Yassine et sa bande. Qu'est-ce qu'ils veulent? Quand Yassine il dit à l'armée marocaine, soyez avec nous le jour de la révolte, qu'est-ce qu'il veut pour le Maroc? Il veut un bien pour le Maroc ou là il veut le fait de couler le sang et de ramener l'insécurité à l'intérieur de ce pays qui est le Maroc? Hein? Qu'est-ce qu'il veut? Une catastrophe pour le pays. Wa sami'tum wa tasma'una. من رويبدة شمال وجنوب وشرق وغرب روسيا وأوروبا وأمريكا وغيرها ماذا يقولون عن المملكة العربية وعن علمائها وكأنه لا يوجد لهم عدو على الأرض إلا المملكة وحكام المملكة وعلماء المملكة ولكن ماذا تريد إن لم تستحي فافعل ما شئت وقل ما شئت واكتب ما شئت والله عز وجل حافظ دينه واولياءه وهو لك بالمرصاد دونك اي vous entendez autour de vous au sud de l'Europe au nord de l'Europe à l'est et à l'ouest en Amérique un peu partout les insensés tous parlent mal sur l'Arabie Saoudite comme si ces leaders de groupe n'ont qu'à aimer sur terre que l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce que tu veux? Quand tu n'as pas de pudeur, dis ce que tu veux. Et fais ce que tu veux. Hein? Et écris ce que tu veux. Et chante ce que tu veux. Tu n'as pas de pudeur. Allah subhanahu wa ta'ala préserve sa religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala est l'allié de ses alliés. Et Allah subhanahu wa ta'ala te regarde, il t'observe. Hein? Il te rend ce que tu mérites chez Allah azza wa jal. Et la justice d'Allah azza wa jal va s'accomplir. اعلموا إخوتي، يقول الشيخ حفظه الله سبحانه حفظه الله عز وجل، اعلموا أن الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، ويقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الشيخ حفظه الله تعالى يدير ساشي كالله سبحانه وتعالى دي dans cette citation, si vous remerciez Allah subhanahu wa ta'ala, il vous augmentera. Chaque fois que vous remerciez Allah subhanahu wa ta'ala, il vous augmente. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala, et dans une autre citation, Allah subhanahu wa ta'ala ne change rien pour un peuple tant que ce peuple n'a pas changé lui-même, ne change pas lui-même. Mais malheureusement, il semble que nous ayons mal compris ce verset. Pour nous le verser, lui de changer soi-même, on le comprend ainsi. Allah ne change rien pour un peuple tant que ce peuple ne change pas les autres. Ya Akhal Islam, non. Tant que tu ne changes pas toi. Pas tant que tu n'as pas changé les autres. Toi d'abord. Hein? Et il est temps de revenir à ça, à cette base. Le changement commence par toi. Par moi. Je ne regarde pas les autres. Regarde-moi. Combien veut, combien la valeur de la sunna chez moi, dans ma vie, de tous les jours, vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de ma femme, vis-à-vis des frères, hein? Vis-à-vis des frères, hein? Vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis des savants de la communauté, etc. Où j'en suis dans ma mise en application de la sunna de mon prophète, alayhi salatu wassalam. يقول الشيخ حفظه الله تعالى نحن نعلم بحكم ما كانت عليه المملكة سابقا ولاحقا أن الدراسة فيها كانت ولا زالت على المنهج السلفي الذي يحرم الخروج على الولاة فما الذي حولكم عنه. Il dit en s'adressant à la jeunesse saoudienne, il y a certains leaders, il est tête d'affiche des qutbites et des sororites là-bas. Nous savons que l'Arabie Saoudite avant, et après, Inch'Allah, demain aussi il restera, que l'éducation et l'enseignement qui est donné en Arabie Saoudite, il est sur la voie du puiseur d'Allah Alim, qui interdit le fait de se révolter contre ses gouverneurs. Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé? Il y a eu un changement. Mais qu'est-ce qui a fait ce changement? La question qu'il leur pose. La réponse, bien sûr, il l'a. يقول حفظه الله تعالى الجواب هنا أليس التخطيط السري الرهيب الذي غسل أدمغتكم وقلب أفكاركم رأسا على عقب فحصل ما حصل. N'est-ce pas les organisations secrètes, les manigances secrètes, hein, qui a lavé vos cerveaux, qui a changé vos pensées et qui vous a retourné dessus pour arriver à là où vous êtes arrivé maintenant. Et c'est la réalité. Hier, je vous ai dit que l'Arabie Saoudite a accueilli les frères musulmans qui étaient tyrannisés par le gouverneur d'Égypte. Il les a accueillis, il leur a donné à l'asile, il leur a donné des postes dans l'enseignement, etc., pour la remercier. Ils lui ont fait un enfant dans le dos qui est... Hein? Les frères musulmans, les Qutbites, et ainsi de suite. Ainsi, ils l'ont remercié. إن المنهج الإخواني بجميع فصائله من سرورية وقطبية وجماعة تكفير وحزب جهاد وتحرير وغير ذلك كلها تتفق على الفكرة الحركية الحزبية الثورية كلهم يدعون إلى التخطيط السري والخروج المفاجئ عندما يرون قوتهم قد اكتملت وإن كانوا يدعون أنهم من أهل السنة والجماعة وإن من تتبع تصريحاتهم في الأشرطة والصحف والمقالات والكتب يتبين له منها la voix de l'ikhwan muslimin dans ses différentes composantes, que ce soit les sororis, que ce soit le Qutbi, que ce soit le groupe de Tkfir, que ce soit le groupe, le parti de Jihad, ou que ce soit Hizb Tahrir, hein, et autres, sont tous unanimes sur l'idée principale qui bougeait le mouvement. Et ce que ça veut dire le mouvement? Se révolter, hein, créer des révolutions, renverser les gouverneurs. Et tous appellent à la manigance et à la stratégie secrète. Ils appellent à la révolte surprise. Quand ils voient que leur puissance est arrivée au sommet, même s'ils prétendent qu'ils font partie d'Al-Sunna ou Al-Jama'a, et celui qui suit leurs déclarations dans les cassettes, dans les exposés et dans ce qu'ils distribuent, etc., il lui apparaît clairement les points suivants. أنهم جميعا متفقون على جواز الخروج على الولاة وإن كانوا مسلمين موحدين يقيمون الصلاة ويحكمون شرع الله وإليك هذا الخبر من كتاب الطريق إلى جماعة المسلمين. هذا الكتاب الطريق إلى جماعة المسلمين مع الأسف الشديد رسالة علمية ألفها شخص من الجامعة الإسلامية قبل 30 سنة ومؤلفها من جماعة الإخوان المفلسين والذي أشرف عليه وناقشه عليه أيضا من الإخوان المفلسين. وهذا كتاب سيء جدا وعنوانه يجب أن يكون العنوان إلى جماعة الإخوان المفلسين. وكاتبه توفي رحمة الله عليه وهو شاب. فالكتاب فيه طعن في السلفية والتبليغ. لو أنه طعن فقط في التبليغ فما فيه إشكال، ولكن فيه طعن في السلفية، ويقول عن التبليغ وعن السلفية أنها اتجاهات قاصرة، وهذا لا شك في التبليغ صحيح. والجزء الأخير من الكتاب خصصه للثناء والإطراء على جماعة الإخوان المفلسين، وقال هذا هو المنهج الذي لا ينبغي غيره، وكبار الإخوان يوصون بهذا الكتاب، وهكذا يفعلون، يوصون بكتب تدعو من قريب أو من بعيد إلى منهج الإخوان. Donc, quand celui qui regarde un petit peu les écrits, qui écoute un petit peu les déclarations de ces groupes, etc., voit qu'ils tous sont unanimes, ils sont d'accord tous sur le fait de se révolter contre les gouverneurs du pays de l'islam, là où ils soient, sans exception. Qu'ils soient unificateurs, qu'ils soient des gens qui défendent le monothéisme et qui accomplissent la prière, qu'ils jugent avec les lois d'Allah, Azzawajal, peu importe. Et ceci, tu le tiens directement d'une risala, d'un truc de magistère, qui s'appelle At-Tariqo ila Jama'at al-Muslim, le chemin vers le groupe des musulmans, vers Jama'at al-Muslimin. Ce livre qui est la voie vers le groupe des musulmans, avec grand regret, c'est un truc qui a été soutenu. Celui qui l'a écrit a soutenu avec le magistère. Et il a étudié à l'université de Médine, malheureusement. Et cette lettre date d'il y a 30 ans. Celui qui l'a écrite fait partie. T'as un adepte de l'Ikhwan al-Muflisin, comme il a dit le Cheikh. Moukbil l'Ikhwan al-Muflisin. Ils ont fait faillite, que ce soit au niveau du social, au niveau de la religion, au niveau de la politique. Faillite à tous les domaines. Et dans tous les domaines. Donc, et celui qui l'a écrit, il est mort. Il est mort en étant jeune encore. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte misère encore. Mais le livre, dedans, il y a un dénigrement de la voix d'El Salaf, radhiyallahu anhu. Et d'établir. S'il dénigrait tout simplement d'établir, il n'y a pas de problème. Mais il dénigre la voix d'El Salafia, la voix d'El Lépuisé, radhiyallahu anhu. Et il dit que ça, ce sont des voix qui sont. Qui sont laxistes. S'il le dit du tablir, ce n'est pas un problème. Mais le plus grave, c'est qu'à la fin, le dernier passage du livre, il l'a réservé tout simplement pour faire l'éloge du groupe d'El Ikhwal Mouflissin. Et il a dit ça, c'est la voie qu'il faut prendre. Et il n'est pas permis de prendre d'autre voie que celle-ci, la voie d'El Ikhwan. Et les grands parmi les Ikhwan, ils conseillent la lecture de ce livre. Et ainsi, ils font toujours. Il conseille toujours les livres qui vont dans leur sens, qui appellent de loin ou de près à la voie de l'Ikhwan. قال هذا الكاتب في صفة العضو النقيب العضو النقيب يا أخي الإسلام البند السادس الذي لا يستعجل الشيء قبل أوانه فلا يستعجل الثمار قبل نضجها لأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه فنحن لا نستعجل إعطاء الصفة إلا بمقدار النضج ولا نستعجل تنظيما قبل وجود لوازمه ولن نستعجل تنفيذا لما يأتي لم يأتي دوره ولن نستعجل إقامة الدولة قبل استكمال شروطها. Il a dit dans le fait la description du membre majeur. Il y a déjà un gradé dans le groupe. Naqib. Had le terme Naqib, tu le trouves chez Siliassini. C'est bizarre, hein? Mais ils ont pris la racine de l'organisation des Yassinine et les pris directement chez Hadouk. Comme tu le trouves dans d'autres groupes. Il a dit pour la description du membre majeur, le sixième point, c'est celui qui n'est pas pressé d'avoir la chose avant son temps, qui n'est pas pressé à cueillir le fruit avant qu'il soit mûr. Car celui qui est pressé à vouloir quelque chose avant son temps, son châtiment c'est quoi? C'est qu'il n'a pas la chose. Et il dit, nous ne sommes pas pressés pour donner la caractéristique, sauf si la personne est mûre. Et on n'est pas pressé sur une organisation d'organiser quelque chose avant que ça ne soit obligatoire. Et nous ne sommes pas pressés pour mettre une application, quelque chose avant que son temps ne soit arrivé. Et nous ne sommes pas pressés à accomplir un état avant que les conditions ne soient complètes. T'as vu quelque chose? J'ai rien vu non plus. T'as senti quelque chose dans la parole ou allô? فهذا الكلام يقوله وهو في دولة مسلمة تعلم فيها واستفاد ووصل إلى مرحلة الدكتورة فالسعودية لا تملأ عينه ولا تملأ عون الإخوان كذلك مع أنها أحسن من غيرها في تطبيق حكم الله عز وجل يقول لن نستعجل إقامة الدولة أن هذه الدولة عنده كأنها غير موجودة هذه الدولة التي أنت فيها كنت فيها أليست مسلمة؟ أليست دولة مسلمة؟ ألم تقم على التوحيد؟ ألم تقم على السنة ونصرة السنة ونهج سلف هذه الأمة؟ انظر لهذا الخلط. لا حول ولا قوة إلا بالله. Cette dernière parole est très dangereuse. Il dit, et nous ne sommes pas pressés pour l'accomplissement d'un État. Et cette parole sort de quelqu'un qui est saoudien, qui est né dans un pays saoudien et qui a étudié dans un pays saoudien et ce pays il a profité de ses biens et de l'organisation de l'enseignement jusqu'à arriver au degré de doctorat. Et Saoudia, l'Arabie saoudite et ses gouverneurs et les lois qui y sont, pour lui ce n'est rien. Alors que c'est le meilleur état dans l'accomplissement de la législation de l'Allah, malgré les lacunes qu'il y a. Et il dit... Ils ne sont pas pressés d'accomplir l'état. Donc cet état dans lequel tu es, c'est pas un état musulman. C'est pas un état qui s'est accompli sur le monothéisme, la sunna et la voie du plusieurs d'Allah alayhi. Regarde ces ambiguïtés. Regarde comment ils mélangent les situations. وقال في الصفحة التي بعدها في شروط العضو النقيب أن يعطي البيعة على الطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشط للقيادة المنبثقة عن الأنظمة المعتمدة للجماعة وليس للدولة للجماعة. Il a dit la page 8, page qui suit celle-ci, parlons des conditions du membre majeur. Il faut qu'il donne l'allégeance à obéir à écouter et à obéir dans son aisance, dans les difficultés qu'il rencontre, hein, au commandement qui vient directement de l'organisation du groupe. Pas à l'État, au commandement du groupe. Subhanallah. L'allégeance, ben l'allégeance, ça, il est donné au gouverneur du pays. Qui se cherche encore? Donner l'allégeance et l'obéissance aveugle et au commandement qui vient directement de qui? Le commandement du groupe. La hiérarchie du groupe. Hein? Subhanallah. Alaysa fi unuqika bay'atun lil imam al qa'im alladhi anta tahtawi ila yati. Kayfa ترشد إلى إعطاء البيعة إلى غيره والله المستعان ومثال هذا عند الياسينيين إسلال القيادة للمرشد لأن أصل منهجها إخواني إسلال القيادة للمرشد gloire à Allah سبحانه وتعالى est-ce que celui-là il n'avait pas une allégeance à son cou est-ce qu'il dépendait pas du gouverneur de l'Arabie Saoudite et hein comment il oriente les gens à donner une allégeance à quelqu'un d'autre hein? Et l'exemple de ceci, les Chiliassinites aussi. Hein? Donner son commandement à le marché d'Oguide. Oguide spirituel, Yassine. Tout le commandement et toute la soumission, le qiyad, se soumettre aux orientations du guide. Ceci est similaire à cela. Parce que l'Yassinite, avec le squelette, il est ikhwani. Même si Hassan ibn a une grande valeur chez eux, même si ils s'orientent, ils prennent des références dans le manhaj nabawi, comme c'est ce mélange de, hein, de sophisme et de politique et de social qu'a écrit Yassine. Allah al-Musta'an. فنحن نغطي لا إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا